Imam Sanani, Imam Shoukani, Imam Mohamed Abd al-Wahhab, rahimahullah, il continue jusqu'à Cheikh Sahman, il continue jusqu'à Cheikh Al-Al-Sheikh, les petits-fils de Cheikh Mohamed Abd al-Wahhab, il continue cette chaîne, il continue jusqu'à Cheikh Bnoubaz, jusqu'à Cheikh Albani, jusqu'à qu'on considère une partie du salaf. Et je le confirme, pas pour là, on le confirme. D'accord? Nous les salafis, on le confirme. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.